Le Victoria monta rapidement au-dessus de la trombe, mais, enveloppé dans l'immense déplacement d'air, il fut entraîné avec une vitesse incalculable au-dessus de cette mer écumante. À 3 heures, la tourmente cessait. Le Victoria redevenait immobile, panait en vue d'une oasis. « L'eau ! L'eau est là !» s'écria le docteur. Aussitôt, il donna passage à l'hydrogène et descendit doucement à 200 pas de l'oasis. En 4 heures, les voyageurs avaient franchi un espace de 400 kilomètres. La nacelle fut aussitôt équilibrée et Kennedy, suivi de Joe, s'élança vers le sol. « Vos fusils !» s'écria le docteur. « Vos fusils ! Et soyez prudents !» Soudain, un rugissement retentit à 20 pas d'eux. Sous un palmier, un énorme lion à crinière noire se tenait dans une posture d'attaque. À peine eut-il aperçu le chasseur qu'il bondit. Mais il n'avait pas touché terre qu'une balle au cœur le foudroyait. Il tomba mort. Kennedy se précipita vers le puits. Joe l'imita et l'on n'entendit plus que ces claquements de langue des animaux qui se désaltèrent. Joe remplit une bouteille qu'il avait apportée et s'élança sur les marches du puits. Peu après, alors qu'une lionne barrait l'entrée du puits, elle est abattue par le docteur lui-même. Joe franchit le corps de la bête et passa à son maître la bouteille pleine d'eau. La porter à ses lèvres, la vider à demi, fut pour Ferguson l'affaire d'un instant. Et les 3 voyageurs remercièrent du fond du cœur la Providence qui les avait si miraculeusement sauvés.